glisse parmi les hauteurs qui parsèment les sept majeurs. J'y trouve enfin ce que j'espère. Je n'ai pas hâte d'être à hier, même si mon corps me fait parfois un peu souffrir. C'est dans ces lieux que je retrouve le sourire. Je voudrais rester sur les épaules de ces géants pour voir la vie autrement. La lombarde peut souffler sur moi les prémices du mauvais temps. Je devrais sûrement franchir ce versant. Et pourtant je me adore. J'ai enfin trouvé ma place sur cette terre. J'ai un palace à ciel ouvert. Même si mon corps me fait parfois un peu souffrir, c'est dans ces lieux que je retrouve le sourire. Je voudrais rester sur les épaules ces géants pour voir la vie autrement.